Les nuits de France Culture, de nouveau bonsoir Barbara Carlotti. De nouveau bonsoir Alban Benaranda. Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Barbara Carlotti, vous avez eu une formation musicale classique, une formation de chanteuse lyrique. Comment vous est venu l'amour du chant et quand vous est-il venu? Dès l'enfance? Je sais pas trop. Je sais que ma sœur, ma grande sœur Laetitia me racontait que quand on allait à la piscine, justement, en Corse l'été, à la piscine de Venaco, dans les vestiaires, je restais des heures enfermée et ils venaient me rechercher parce que je me changeais pas. En fait, je chantais. Enfin, je faisais des essais de son plutôt, je pense. En fait, l'acoustique du lieu me plaisait et je passais des heures à faire des choses avec ma voix dans ces vestiaires pour voir comment ça sonnait, je pense. Mais moi, j'ai pas vraiment de souvenirs de ça. Mais bon, j'ai assez peu de souvenirs d'enfance, donc voilà. Elle me disait ça. Il y a toujours eu un piano à la maison. Ma mère avait fait du piano. Elle en faisait plus beaucoup quand on était enfant, mais en tout cas, il y avait toujours eu un piano à la maison sur lequel j'essayais aussi des choses. Et puis petit, j'avais quand même un oncle, le frère de ma mère, qui jouait beaucoup de Brassens, de Bobby Lapointe, de Sidney Bechet. Il faisait à la fois de la clarinette et de la guitare. Donc on a quand même eu, je pense, de la musique autour de nous petit. Et assez vite, moi j'ai voulu faire du piano. Et assez vite, j'ai surtout rencontré beaucoup de... Enfin, tous mes amis étaient musiciens, en fait, très étrangement. Donc, j'ai lié beaucoup d'amitié avec la musique. Je pense que ça a été un moteur assez fondamental. J'adorais ça. J'en écoutais énormément, très jeune. Et voilà. Et en fait, simplement, je me suis mise à chanter dans un groupe de rock, de lycée. Et puis ensuite... On avait un super, c'était un groupe de rock écolo avant l'heure, qui s'appelait Génération Plutonium. J'aime bien citer ce nom, ça me fait toujours rire maintenant. Et parfois je faisais un peu de clavier assez mal dedans, et puis je chantais des chœurs. Et puis très vite, quand même, en tout cas, je voulais faire de la musique, et même si c'était pas un métier dit sérieux pour mes parents, mais j'ai voulu assez vite faire ça. Donc j'ai beaucoup exploré, c'est-à-dire j'ai fait du jazz. À un moment donné, je suis devenue très très snob avec ça. J'ai fait du jazz et je voulais plus écouter que du jazz. Et puis après, je suis rentrée en musicologie, j'ai fait du chant lyrique. J'ai découvert le chant lyrique assez tard, en fait, finalement. Et puis je me suis mise au chant lyrique. Et vous avouez que dans le chant lyrique que vous avez donc pratiqué, la puissance, la nécessité de l'extériorisation ne vous convenait pas du tout. C'était trop vibrant, ça me remuait complètement. Ouais, ça me faisait presque peur, en fait, autant de puissance vocale. Et je pense que ça me correspondait pas personnellement, en tout cas dans ma personnalité. Justement, ce que je disais tout à l'heure d'une certaine sobriété, en fait, je pense que j'avais besoin de ça, moi, plus tôt. Et finalement, je suis revenue à mes amours d'adolescente, c'est-à-dire des voix très blanches comme Étienne Dao ou Françoise Hardy, par exemple, que j'aime beaucoup. Des voix qui se font juste entendre dans une... Presque le chanter parler, quoi. Je prêche Gesang, mais... D'ailleurs, quand j'étais en musicologie, j'étais folle amoureuse de l'école de Vienne. À savoir pourquoi, je pense, leur radicalisme. À mon avis, pour moi, c'était un peu les punks de la musique savante, quoi. Mais la voix lyrique, je pense, m'effrayait, moi, en tant qu'exercice d'extériorité à faire, d'affirmation très grand. Je pense que j'étais très, très timide au départ. Et je pense que c'est ça que ça a brutalisé un peu ça. Mais par contre, ça m'a permis de découvrir l'ambitus de ma voix, de découvrir qu'on pouvait avoir une technique pour toucher certaines tessitures, etc., qu'il y avait une voix de tête, qu'une voix de poitrine, qu'on pouvait jouer, qu'il y avait plein de registres, en fait, dans la voix qu'on pouvait explorer. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup servi de faire du chant lyrique. Mais vous dites que vous êtes beaucoup cherché du côté du répertoire. C'est pas que je me suis cherchée, je pense que je suis un peu comme le songe de Polyphile. C'est-à-dire, j'ai besoin d'appréhender plein de choses et puis de voir un peu un ensemble de choses. Et là, tout me plaît dans la musique. Je fais pas de distinction de style, du tout. C'est-à-dire, pour moi, il y a pas d'hiérarchie. Après, c'est qu'est-ce qui touche ma sensibilité et qu'est-ce que je suis capable d'exprimer, moi, à l'intérieur de ça. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, je pense que j'ai cherché l'endroit où c'était le plus juste pour moi de m'exprimer, quoi. Je pense qu'il y avait ça dans l'idée de la musique. Mais par contre, j'écoute des musiques extrêmement, statistiquement extrêmement différentes, et je peux écouter de l'opéra, de la musique classique, de la musique de la Renaissance, de la musique corse, de la New Wave ou que sais-je encore, ou de l'électro aujourd'hui ou du rap. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie de style, quoi. Et puis, il y a eu les boîtes de nuit en Corse. Moi, j'ai 14 ans et c'est l'été. Je sors toute la nuit et je veux danser. On sort en cachette, les cheveux crêpés. On a 14 ans et on aime danser. On sort toute la nuit quand tout le monde dort, ouais. En 88, on aime s'amuser. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. Certains auront reconnu cette chanson, 14 ans, un titre de votre album L'amour, l'argent, le vent, mais chantez-la par La Jeune, les jeunes interprètes du court-métrage qui porte aussi ce titre 14 ans. Un film que vous avez réalisé l'année dernière, que l'on pourra voir fin janvier sur Canal+, et au Festival de Clermont-Ferrand. 14 ans, c'est l'été, c'est la Corse, l'adolescence, mais la chanson et le film racontent-ils la même histoire ? Pas forcément, disons que c'était le point de départ, c'était quand j'ai écrit la chanson 14 ans, j'étais vraiment, c'était un été, j'étais dans un bus et je rêvassais et j'ai tous ces souvenirs d'adolescence qui sont remontés d'un coup, qui ont fait que je me suis mise à écrire cette histoire. Et en tout cas ce souvenir. Et puis quand cette chanson est sortie, elle a fait un peu un effet. C'était marrant, par exemple, Dominica m'avait dit que c'était vraiment une chanson géniale. Enfin, il a, c'est pas pour dire d'ailleurs que c'était génial, mais plutôt pour lui, il y avait quelque chose de, effectivement, je pense, de cette époque, des années 80, de cette joie, de cette épiphanie qu'on peut ressentir quand on est adolescent, de cette libération par la danse, par le chant, par la musique pop, etc. Et donc, il y avait plein de gens qui m'avaient dit « Mais pourquoi tu racontes pas cette histoire ?» Donc, je m'étais mise à l'écrire, en fait. Je l'avais écrite, et puis j'en avais discuté. Et puis, on m'avait dit « Mais fais-en un film. » Alors, du coup, je me suis dit « Ouais, d'accord, je fais un film. » Bon, je savais pas du tout ce que ça représentait de faire un film, bien sûr. C'est plus facile d'écrire une histoire, mais de là, écrire un scénario, etc. Et le film, pour moi, il avait un enjeu. Enfin, l'idée du film, ça avait un enjeu particulier, c'est-à-dire... c'était à la fois raconter ce que c'était que la Corse, que c'était que ce territoire qui pour moi est un territoire de liberté totale, puisque on s'octroyait cette liberté en sortant la nuit, qu'on était des adolescentes, que moi j'ai eu toutes mes épiphanies musicales là-bas, mais que c'était aussi dans la montagne Corse, sous les étoiles, sous le cosmos, la grande voûte étoilée où les étoiles on les voit tellement, de façon tellement plus... plus forte là-bas. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'immensité aussi de la nature. Et en fait, la musique, pour moi, la musique pop, en tout cas la New Wave, avait une résonance très particulière dans ce territoire. Et puis est venu, je pense qu'il est venu aussi, du coup, s'agglomérer aussi tout ce que c'était que ces aventures, en fait. Adolescente, mais dans ce territoire-là, et tout ce que la nature aussi a de puissance invisible. Donc j'en ai fait une sorte de conte adolescent, mais qui venait aussi puiser dans les films que j'avais vus à l'époque. Donc ça pouvait très bien être Grease ou Cry Baby, que Les Griffes de la Nuit, Ça pouvait aussi être toutes les chansons, donc Sauf Celle, Étienne Dao. C'est un hommage, en fait. C'est un hommage aussi à toute une culture aussi de cette époque-là. Et puis quel sens ça a dans ce décor, en fait, mais qui n'est pas qu'un décor, qui est aussi qui contient en fait toute une fantasmagorie, justement, toutes ces forces de l'invisible dont on parle depuis le début. Voilà. Et du coup, c'est devenu une fiction. C'est devenu un teen movie. C'est vraiment devenu un teen movie fantastique. Barbara Carlotti, on ne va pas quitter tout à fait la Corse, puisque c'est avec Bertrand Burgala, qui, comme chacun le sait, est né à Bastia, à la faveur des mouvements de la préfectorale à laquelle appartenait son père. C'est donc avec Bertrand Burgala que s'ouvrira le programme d'archives de cette deuxième partie de nuit. Peut-on dire de lui qu'il a joué un rôle important, voire essentiel, dans votre parcours ? Complètement essentiel, puisque quand j'ai commencé à faire mes chansons toute seule, un peu dans mon coin, enfin... dans mon coin, avec mon guitariste Jean-Pierre Petit à l'époque. J'étais très amie, moi, avec Serge Boson, Axel Roper, qui faisait des films, qui faisait leur tout premier film. Et en fait, ils connaissaient très bien, parce qu'ils sont tous complètement férus de musique pop. Et ils connaissaient très bien Bertrand. Et moi, je connaissais absolument personne dans le milieu de la musique. Je venais pas du tout d'un milieu où, voilà, qui avait rapport avec un quelconque, d'ailleurs, travail artistique. Et en fait, c'est eux qui m'ont mis en contact avec Bertrand Burgala. Et c'est la première personne qui m'a reçue, parce que j'avais évidemment envoyé plein de maquettes à un certain nombre de producteurs et de sociétés de production de musique. Et c'est le seul qui est porté un intérêt à ce que je faisais. Et je me souviendrai toujours du jour où on a écouté mon CD démo dans sa cuisine, sur sa table en formica. Où il a manifesté un certain intérêt. Et à l'époque, Tricatel était pas dans une phase où il produisait encore des choses. Enfin, il faisait un peu une pause sur la production et tout ça. Donc, il m'a dit, mais si tu veux que je t'aide en quoi que ce soit, je serai présent. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, en fait, dans 15 jours, je vais enregistrer des maquettes dans un studio. Il est venu en studio et il a arrangé avec moi le titre, avec moi et mon guitariste, le titre Cannes, qui a été un des premiers morceaux qui a été diffusé, largement diffusé de mon premier album. Mon rôle est d'amener l'artiste le plus loin dans ce qu'il peut faire. Ce qu'il a envie d'exprimer, c'est Bertrand Burgala dans sa version producteur qui dit cela. Des producteurs dans son genre, par les temps qui courent, y en a-t-il beaucoup dans la musique, dans la chanson française ? Moi, je pense qu'il est assez unique dans le paysage français, en effet, simplement aussi par la singularité de ses goûts et sa grande érudition musicale et dans la musique pop. Donc, c'est un peu un dénicheur quand même de talent. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu un dénicheur de talent quand même, je pense. En tout cas, il est vraiment mu par une passion de la musique et une certaine... Enfin, voilà, c'est un esthète, je pense que c'est un vrai esthète, Bertrand. Donc, oui, après, c'est aussi un très bon musicien. Et moi, j'ai toujours adoré les basses, en fait, qu'il faisait sur les morceaux, dans ses productions, dans The Sound of Music. Enfin, pas seulement ses chansons, mais aussi sa manière vraiment de jouer de la basse. Et d'ailleurs, sur mon dernier album, je lui avais demandé vraiment, au tout début, quand je faisais mes maquettes, je lui avais fait écouter les titres et je lui avais demandé son avis, parce que je trouve qu'il est, voilà, c'est très intéressant aussi de travailler avec lui. Et il m'avait dit, bah, si tu veux, je viendrai. Et en fait, il peut jouer des claviers, il peut jouer des basses. Et moi, je voulais vraiment qu'il joue de la basse. Puis finalement, il n'était pas disponible, parce qu'il était en train de finir son album. Donc, il est venu jouer des claviers quand même sur certains morceaux. Mais il m'a dit, mais tu devrais bosser avec la S-Dragon. Et je pense que voilà, il a des visions en fait, et il s'était pas trompé. C'était pour cet album, c'était vraiment génial de pouvoir travailler avec eux, d'avoir ce son très ciselé qui est à la fois nourri d'influences 60s, mais pas que. Enfin, aussi avec un son plus moderne, etc. Et voilà, il a. Moi, je trouve qu'il est à triple casquette. Et puis c'est un très très bon compositeur de musique de film. La musique du dernier film de Benoît Forgeard, Yves, pour moi, elle est, enfin, vraiment, c'est une des dernières musiques de film que j'ai adorées. Tout ce que tu touches, c'est le titre que vous chantez en duo avec Bertrand Burgala dans Magnétique. Vous avez pratiqué le duo avec Michel Delpech, Arnold Turboust, Kent, Khaled Mouzanar, Dominique A, Juliette Armanet et d'autres encore. Chanter en duo, c'est quelque chose que vous aimez, Barbara Carlotti ? Alors, c'est marrant, on nous pose beaucoup ces questions. En fait, il me semble que chanter, enfin, il me semble que faire de la musique, c'est dialoguer, avec les musiciens, mais pas uniquement. Je pense que c'est aussi un dialogue qui s'opère avec d'autres chanteurs, chanteuses, en fait. Et puis, la tradition du duo, elle date. Moi, j'adore les duos à l'opéra, mais dans la chanson française et dans la pop française, il y a énormément de duos. Donc, oui, en fait, pour moi, ça fait partie intégrante du fait de faire des chansons, en fait, de faire des duos. Après, il y a un plaisir supplémentaire parce qu'on voit la façon dont l'autre chante et on se rend compte à quel point la façon de chanter les mots, de dire les choses, l'interprétation, du coup, dans le duo, c'est ce qui ressort le plus. Et c'est hyper important. Et avec Bertrand, on a fait deux duos cet été et c'était hyper marrant. On faisait à la fois une chanson très variété, Tu t'en vas, pour le film de Dominique Moll. Et à la fois, on faisait un duo sur une de ses chansons à lui, et on n'est pas les mêmes personnes, quoi. Quand on interprète telle ou telle mélodie, enfin, pour moi, du coup, cet exercice, il est passionnant, et puis c'est un dialogue de plus, en fait. Parmi les duos, il y a aussi Mon Dieu, mon amour, avec Philippe Catherine, sur votre album L'amour, l'argent, le vent. Philippe Catherine, qui est pour vous un modèle, c'est vous qui le dites. On l'écoute en duo, mais pas avec vous, avec Camille. Allô? Hein? Allô? Allô? Allô? Allô? Féminin, masculin, qui n'a pas quelqu'un ou quelque chose qui lui manque? Hein? C'est beau de dire ça sans savoir que c'est beau. Ne pas savoir que c'est beau de dire ça, c'est ça qui est beau. C'est beau de dire ça sans savoir que c'est beau. Ne pas savoir que c'est beau de dire ça, c'est ça qui est beau. C'est beau de dire ça sans savoir que c'est beau. Ne pas savoir que c'est beau de dire ça, c'est ça qui est beau. Imagine, imagine, imagine, imagine des seins sans tétons. Imagine, imagine, imagine, imagine, imagine des doigts sans les ongles. Le point commun. Masturbé en pleurant. Oh my god! Recueille des marguerites. Quand lui se caresse la bite, c'est un classique, c'est un classique, c'est un classique de la littérature. Classique. Classique, qu'est-ce que c'est que ce truc? Classique et indémodable, classique et éternel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Classique et indémodable, qu'est-ce que c'est que ce truc? comment tu l'appelles, je te dirai qui tu es. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Comment tu l'appelles, je te dirai qui tu es. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Comment tu l'appelles, qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui tu es? Pourquoi ce titre? Pourquoi cette chanson de Philippe Catherine au programme de votre nuit rêvée, Barbara Carlotti? C'est une des chansons, je pense, les plus expérimentales de Philippe, à la fois parce que c'est comme un exercice de collage, en fait. Il y a plein de... On dirait qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de rapport entre elles, mais en fait, au bout de la chanson, on se rend bien compte que tout ça parle exactement la même chose. Et je trouve que, en fait, c'est vraiment... En fait, il y met, je trouve, tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des jeux de langage... c'est une chanson hyper dansante. En même temps, il y a des petits interludes comme ça de musique qui viennent briser le rythme. Il y a tout un. En fait, pour moi, c'est d'une virtuosité incroyable. C'est une chanson d'une virtuosité incroyable. Et il y a toujours chez lui cette façon d'être extrêmement transgressif, mais pas pour dire n'importe quoi. Voilà, c'est génial. En plus, on dit un duo avec Camille, et puis en fait, c'est Gérard Depardieu qu'on entend dire allô. Moi, j'adore. Mais voilà, il renverse. En fait, il joue avec les codes de façon vraiment, je trouve, hyper habile. Et puis c'est des chansons hyper bien composées. Donc voilà. Et donc il colle. Je lui avais envoyé un texto comme ça sur Geffner et Freud. Il le colle dedans, mais il colle aussi d'autres textos qu'il a fait. Mais en fait, il fait sens avec toutes les informations. Je crois qu'il y a un truc comme ça dans cet album que vraiment j'aime, c'est que tout ce qu'il reçoit comme info, il en fait une chanson, quoi. Et il en fait une chanson, mais aussi c'est une réflexion sur, je pense, tout d'un coup, cette obsession du sexe, de la beat. C'est un peu beat generation aussi, c'est un peu surréaliste aussi, c'est un peu plein de choses en fait. Mais il en fait un discours en fait, un vrai discours. Et je pense que Philippe, c'est un des seuls, en tout cas pour moi, une des seules personnes qui a fait un album politique sans en avoir l'air aujourd'hui. Il dit des choses que je pense essentielles sur tout cet album, et en même temps, cette libération aussi qui passe beaucoup par le fait de parler de cul et de façon un peu voilà, brutale, parfois un peu choquante, mais en même temps, c'est pas si choquant. Barbara Carlotti, dans la deuxième partie de votre nuit, nous entendrons une émission consacrée au mythe du dandy. Une archive de 1972 que vous aviez vous-même déjà repérée, puisqu'un extrait figurait dans Nébuleuse Dandy, un atelier de création radiophonique que vous aviez signé sur France Culture en 2009. Pourquoi cet intérêt pour le dandysme ? Alors justement, Philippe Catherine pourrait être un dandy au sens où la maxime du dandy serait de dire jusqu'où on peut aller trop loin. Voilà, bah, je trouve que Philippe, il illustre très bien cet axiome. Est-ce qu'on peut dire ce mot ? Je ne sais pas, je le dis. ça me vient. Le dandysme, ça me fascine parce que c'est à la fois l'obsession du beau, mais c'est le beau qui n'est pas conventionnel, c'est le beau justement, c'est le goût du sublime, mais en même temps c'est le sublime hors des codes de la société, et voilà, c'est comment on fait de sa vie une œuvre d'art, et il y a plein d'individus formidables. Je pense que pareil, j'avais interviewé Burgala aussi pour cet atelier de création radiophonique. Je pense que des gens qui pensent effectivement la beauté, en tout cas qui essayent d'en mettre dans ce qu'ils font, en fait, ça donne un sens, je pense, à l'existence, en fait, cette obsession de la beauté. Mais la beauté transgressive et pas la beauté conventionnelle, quoi. Nébuleuse Dandy, nébuleuse, avec l'émission que nous entendrons, on pourra mesurer combien il est difficile de donner une définition du dandy et du dandysme. C'est difficile, et en même temps, je pense que c'est une forme d'incarnation. En tout cas, pour moi, à force d'avoir un peu exploré, travaillé dessus, je me suis dit, Parfois, c'est des moments dans la vie des artistes, en fait, je pense, où tout doit concorder, c'est-à-dire faire corps avec son art, à la fois spirituellement, à la fois physiquement, à la fois, en fait, de vraiment d'essayer d'habiller son existence avec le fait de tout choisir, de porter un soin particulier à la fois ce qu'on dit, à ce qu'on porte, comment on se comporte aussi, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on nous demande de beaucoup nous comporter, nous conformer aussi. Et je pense que l'attitude du dandy, pour moi, c'est voilà, c'est un acte de libération majeur. Mais il y a un peu ça aussi dans les livres de Philippe Vassès, c'est-à-dire comment échapper aux injonctions politiques, sociales, de tout ce qu'on nous met sur le dos là, en tant qu'individu. Le dandysme, voilà, c'est un individualisme. Qui n'est pas l'individualisme qu'on nous propose dans la société d'aujourd'hui, en fait. Et c'est ce que j'aime, c'est être au plus proche de soi et en même temps comment on le met en scène. Le dandysme, comme la pop, est-ce que c'est pas fondamentalement et irrémédiablement quelque chose de british tout de même ? Non, je crois pas. C'est quand même Baudelaire qui a écrit l'éthique du dandysme. Donc non, je pense que ça n'a pas d'origine culturelle trop précise, en fait. Je pense pas. Je pense qu'il y a des dandys. Par exemple, quand j'ai vu le salon de musique de Satyajit Ray, pour moi, il y avait quelque chose d'extrêmement dandy dans le personnage qui passe sa vie à écouter de la musique, faire des concerts. Et en effet, il perd tout ce qu'il a autour de lui au nom de l'amour, de l'art, etc. Mais non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une histoire d'attitude, quand même. C'était pour Surpris par la nuit en 2000, au moment de la publication du roman Ingrid Cavan, pour lequel Jean-Jacques Schoul fut récompensé du prix Goncourt, que Patrick Amine avait consacré à Jean-Jacques Schoul et Ingrid Cavan le documentaire que nous entendrons. Ingrid Cavan, Jean-Jacques Schoul, quelle place occupent-ils respectivement dans votre panthéon personnel, Barbara Carlotti, en commençant peut-être par Ingrid Cavan? Ah, je voulais commencer par Jean-Jacques Schoul parce que c'est Frankenstein le dandy. Alors allez-y. Dans Rose Poussière. Dans Rose Poussière, il y a un texte très très beau sur une forme de dandysme. Voilà. Que je pense qu'il a écrit la deuxième éthique du dandysme, Jean-Jacques Schoul. Enfin, une éthique contemporaine en tout cas. Même si lui ne se considère pas du tout comme un dandy. Mais un dandy ne dira jamais qu'il est un dandy. C'est impossible. On peut pas se définir. L'idée, c'est justement ne pas être défini. Je pense que le fait il faut échapper à la catégorisation à tout prix, évidemment. Et c'est évidemment qu'ils vont pas se dire dandy. Et en plus, je pense que dandysme, on y a collé plein de choses, plus ou moins juste dans les représentations. Enfin, moi, à mon avis, on s'en fout un peu de savoir si. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, l'idée du dandysme, c'est l'idée de quelqu'un qui est libre. Voilà. Qui est infiniment libre, mais qui vit pour l'art. Et je pense que Jean-Jacques Schoul, quand il fait ses collages, ses montages de textes, quand il dit qu'il ne veut que, qu'il ne voudrait, comme Flaubert, faire qu'un livre de citations, que ce serait ça son ambition et tout ça, ça je trouve, c'est principalement dandy. C'est presque faire sortir l'écriture de ce qu'elle a de personnel. Et c'est passionnant chez lui, l'idée de, c'est même pas du cut-up, c'est au-delà du cut-up, quoi. C'est vraiment du montage de cinéma chez Jean-Jacques Schoul. Donc, mais Ingrid, Cavan, elle a aussi ça, elle a aussi ce tempérament, je pense qu'elle a aussi cette culture, pour avoir sans doute travaillé avec Fassbinder, sa façon de chanter, c'est quelque chose de assez étrange et exceptionnel et très libre, et qui ressemble à rien d'autre, en fait. Personne ne chante comme Ingrid Cavan. Personne n'a le répertoire d'Ingrid Cavan, qui peut aussi bien chanter de la chanson que le Pierrot Lunaire, que des chansons de Satie. Enfin, elle va vraiment, je pense, au plus proche de sa sensibilité. Et elle l'exprime aussi, les chansons, comme j'ai rarement vu. Voilà, elle rentre dans aucun principe. Je pense que c'est, en fait, c'est ça que j'adore chez... Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont ensemble. Hein. Je pense qu'ils échappent à toute catégorisation tous les deux. Et surtout, ils l'appliquent en fait méthodiquement dans leur art. Et je pense que ça, c'est un grand savoir-faire et c'est un grand travail d'artiste et d'artisan d'ailleurs. Nous entendrons Ingrid Cavan dire « La forme importe plus que le contenu ». Partagez-vous ce point de vue que l'on peut aussi recevoir comme un slogan très pop finalement ? Oui, alors eux, ils sont à fond. Enfin, Jean-Jacques Chaul aussi, il est à fond dans le pop art et tout. Je pense que quand Ingrid Cavan, elle dit ça, c'est aussi que c'est son travail d'interprète. Et je pense qu'elle n'aborderait pas des œuvres, c'est-à-dire jusqu'où va la forme, c'est aussi, voilà, une, en tout cas sur la musique, la facture, les arrangements, la mélodie, etc. Bien sûr, on peut faire plein de versions différentes, mais je pense que la façon dont les œuvres ont été créées, ça mélange un peu les deux, on peut pas vraiment dissocier en fait l'un et l'autre. Mais en tout cas, je pense que c'est son travail d'interprète qui lui fait dire ça, et effectivement, on peut se dire que d'une certaine manière, elle a raison, ouais. Dans l'émission, encore une fois, nous écouterons Jean-Jacques Chaul qui dit « C'est avec la poésie et la chanson que l'on peut mener le mieux la lutte contre le temps. » Ah ouais, c'est marrant. C'est des petites formes, c'est des petites formes concises. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne quand je fais de la chanson. C'est d'essayer de circonscrire, on peut circonscrire 10 ans en une chanson, on peut effectivement, on lutte absolument contre l'idée du temps qui passe quand on écrit des textes aussi concis, ouais. Et puis c'est aussi une bulle de temps en soi, une chanson qui est en suspension comme ça, où on voit pas passer ces 3 minutes ou ces 2 minutes 40, ça dépend des formats, ou ces 4 minutes. Mais on est absorbé aussi dans un espace-temps qui est très différent, effectivement. Ingrid Cavan, Jean-Jacques Chaul, le temps auquel ils appartiennent, les années 60-80, disons qu'ils ont traversé avec talent, en héritier chic et un peu déglingué d'une histoire d'un passé très lourd. Ce temps dont défilent les fantômes dans les livres de Chaul, regrettez-vous d'être arrivé après lui ? Pas du tout, pas du tout, parce que justement, en plus, je pense que Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, quand j'ai découvert la musique pop dans les années 80, elle contenait aussi celle des années 60 et elle contenait encore celle d'avant, en fait. Et je pense que la musique, elle est riche de tout son passé. Et que toutes les œuvres, en fait, sont riches de tout le passé. Pareil, quand on lit Jean-Jacques Chaul, il n'y a pas Jean-Jacques Chaul. Quand je suis venue parler avec lui, il m'a parlé des heures de Baudelaire. Il peut parler des heures d'autres. Ça se sent dans sa littérature. C'est comme quand on écoute les chansons de Gainsbourg où il y a du Verlaine et de l'Apollinaire et tout ça. Ou même chez Philippe Catherine où il y a aussi du Poulenc et de l'Apollinaire. Mais je pense qu'on redigère aussi tous ces héritages. Donc, non. Et puis surtout, moi, j'aime beaucoup mon époque. Je suis pas du tout nostalgique. Mais par contre, j'aime bien aussi me dire qu'en plus il dure dans le temps, parce que c'est même pas vrai que j'ai l'impression d'être une enfant. Mais c'est même pas vrai que ils ont refait des disques justement avec Bertrand Burgala dans les années 2000, et il y a des très très belles chansons qu'ils ont écrites à ce moment-là, et je pense qu'ils ne les auraient pas écrites de la même manière dans les années 80 ou 60 ou 70 quand ils faisaient des choses avec Fassbinder. Enfin, moi, il me semble que chaque époque Enfin voilà, on est dans chaque époque et je pense qu'aujourd'hui, quand Jean-Jacques Chaul écrit Ingrid Cavan, qui est pour moi un des plus beaux livres sur une chanteuse et sur une interprète, et qui raconte ce que c'est que faire de la musique et chanter sur scène, vraiment, pas que de façon extérieure, quoi. Il est vraiment à ce moment-là de sa vie et il raconte vraiment cette époque-là, je pense. Il raconte aussi ce que c'est. Il y a toutes les époques, évidemment, puisque ça raconte toute l'histoire d'Ingrid Cavan, mais ça raconte aussi ce rapport-là, à cette époque-là, avec des écrans, avec des téléphones portables, avec tout ce qui va avec, quoi. Barbara Carlotti, c'est avec Phantom of the Paradise que se terminera le programme de votre nuit. Pour Paul Williams ou Brian De Palma ? Les deux. Bah, en plus, Paul Williams, il joue le rôle de Swan. De Swan, qui est quand même une sorte de Phil Spector atroce, et en même temps, bon, on aime Phil Spector, mais pas pour ses méfaits, bien sûr, mais pour ses productions, et en même temps, je pense qu'il maltraitait absolument. Pour moi, ce film, c'est vraiment, je sais pas, c'est aussi cette idée de rendre hommage tout le temps. Quand on fait des films, on peut rendre hommage vraiment à toutes les choses qu'on aime. Là, il y a tout, quoi. Il y a à la fois, donc, bah, y a toute la pop des années 60 et 70, il y a le glam rock, il y a les Beach Boys, enfin les Beach Gum, il y a plein de groupes en fait, il y a plein de... Et c'est aussi comment, en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il montre ce que c'est que l'industrie musicale, bah, évidemment dans ses pires excès, et dans une, il le catégorise, pardon, je tape sur le micro de... mais en fait il montre tout ça et c'est mélangé à l'histoire de c'est Oscar Wilde aussi, enfin c'est Frankenstein aussi, enfin il y a plein de, c'est à la fois littéraire, cinématographique, musical, il y a plein d'hommages et en même temps ça raconte vraiment, enfin moi je tremble toujours pour ce pauvre Winston Leach qui se fait spolier son œuvre et à chaque fois j'ai mal pour lui, il se fait écraser la tête dans une presse à disque. Tout est génial dans ce film, quoi. Donc c'est autant pour la musique que pour Brian De Palma qui de toute façon est génial, bien sûr. Et pour le cinéma et la musique. Et pour le cinéma et la musique, parce que je pense que je me lasse jamais, en tout cas, de voir et revoir les films musicaux. Les comédies musicales, ça a compté dans votre éducation artistique ? En tout cas, on m'a jamais enseigné. Il n'y a pas d'éducation artistique, je pense que oui, ça fait partie des choses. Votre propre éducation artistique ? Non, mais c'est, je plaisante un peu avec ça, mais c'est vrai que c'est... J'ai une copine qui est devenue chorégraphe, Julie Desprairies, qui a travaillé notamment avec Serge Boson, etc. Qui vous a fait danser ? Qui m'a fait danser dans des spectacles, et j'ai commencé avec elle, en fait. On a fait des choses au même moment, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on avait découvert, elle m'avait fait découvrir assez jeune, à notre adolescence, Victor Victoria. Et ensuite, elle faisait des claquettes aussi. Je pense que ça m'a... Voilà. Moi, dans ma famille, on n'avait pas vraiment... Si, mon père m'avait quand même emmené voir R. Donc, il y a toujours eu, effectivement... Mon père était assez fan de comédie musicale. Et j'ai vu R, pareil, très, très jeune. Et j'étais sidérée. Bon, déjà, de voir des gens à poil sur scène fumer des pétards. Mais pas que... Parce que quand on a 10 ans, c'est assez spécial. Mais pas que pour ça, le fait qu'on puisse se mettre à chanter n'importe quand, n'importe quel moment, pour exprimer n'importe quoi, en fait. Enfin, pour exprimer tout de la vie, quoi. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Donc oui, ça a toujours été présent. Et ensuite, je me lasse jamais de voir et revoir tous ces films musicaux. Les hommes préfèrent les blondes, par exemple. C'est mon film de Noël, celui que je regarde systématiquement à Noël pour me faire du... Voilà, je sais pas, c'est des madeleines aussi. Enfin, et surtout, à chaque fois, j'y vois encore plus de détails. Donc, moi, je ne m'en lasserai jamais. Barbara Carlotti, nous nous retrouverons dans plus de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Tricatel, ma boîte à musique, le troisième temps de la voix nue de Bertrand Burgala au micro de Mathieu Conquet en 2018, le mythe du dandy, une tribune des critiques proposée par Pierre Barbier en 1972, fiction du modèle Jean-Jacques Schulz, une émission de Patrick Amine dans Surpris par la nuit en 2000, Phantom of the Paradise, un carnet de notes de Philippe Langlois en 2000. Barbara Carlotti, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.